Le crime du colonel par Arthur Conan Doyle. Dans toutes les armées de Napoléon Ier, un seul officier était l'objet d'une exécration profonde, farouche, indéracinable, de la part des Anglais qui combattaient avec Wellington. Il y avait des pillards parmi les Français, des hommes sans scrupules, des duellistes et des débauchés. On pouvait pardonner tout cela, car il ne manquait pas non plus de gens de cette sorte dans les rangs anglais. Mais il y avait dans l'état-major de Masséna un officier qui s'était rendu coupable d'un crime atroce, inouï, impardonnable, dont la nouvelle, lorsqu'elle parvint en Angleterre, fut d'abord accueillie avec incrédulité et qui, lorsqu'elle fut confirmée, souleva, à travers les comtés, l'indignation unanime de tous les sportsmen et de tous les gentilshommes campagnards. L'auteur de ce forfait était notre ami, le colonel Étienne Gérard, des hussards de Conflans, beau et élégant soldat, fringant cavalier et si fine l'âme qu'il était le plus renommé breteur des 6 brigades de cavalerie légère. Mais le plus étrange, c'est que ce brave officier se rendit coupable de cette chose innommable, sans même se douter qu'il avait commis un crime, tel qu'il n'existe pas de mot dans la langue anglaise assez fort pour le qualifier. Le colonel est mort tranquillement de vieillesse, mais avec une imperturbable confiance qu'il avait en lui-même et qui était un des traits de son caractère. Jamais il n'imagina un instant qu'il avait encouru la haine de plusieurs milliers d'insulaires, haine si féroce qu'il l'aurait avec joie pendu de leurs propres mains. Au contraire, il comptait cette aventure au nombre de ses exploits, et c'est avec un sourire de satisfaction qu'il l'a maintes fois redite au milieu du petit cercle qui s'empressait autour de lui dans l'humble café de province où, après son dîner, entre deux parties de domino, il provoquait les larmes et l'enthousiasme de son auditoire en parlant du glorieux passé de l'époque napoléonienne, où la France, comme l'ange de la colère, se dressa, magnifique et terrible, devant l'Europe tremblante de terreur. Mais laissons-le raconter lui-même cette histoire. « Il faut que vous sachiez, mes amis, disait-il, que ce fut vers la fin de 1810 que moi, Masséna et les autres, nous rejetâmes en arrière Wellington de si belle façon que nous nous attendions à le noyer dans le Tage, lui et son armée. Mais quand nous n'étions encore qu'à 25 000 de Lisbonne, nous nous aperçûmes que nous avions été trahis, car ce maudit Anglais n'avait-il pas eu la précaution d'établir une énorme ligne de travaux et de forts en un lieu appelé Torres Vedras, de sorte que nous fûmes arrêtés net. Leur ligne de défense nous barrait toute la péninsule, et nous étions coupés de tout renfort. Aussi nous n'osâmes pas risquer un revers, car nous avions déjà appris à Buzaco que ce n'était pas un jeu d'enfant qu'une bataille avec ces gens-là. Il ne nous restait donc d'autre parti que de nous installer en face de ces lignes et les bloquer du mieux que nous pourrions. C'est ce que nous fîmes et nous restâmes là pendant 6 mois, dans une anxiété telle que Masséna disait plus tard qu'il n'avait plus un cheveu sur la tête, qu'il ne fût devenu blanc. Pour mon propre compte, je ne me préoccupais pas trop de la situation et je portais toute mon attention sur nos chevaux qui avaient grand besoin de repos et de fourrage vert. Quant au reste, ma foi, nous buvions le vin du pays et nous passions le temps comme nous pouvions. Un jour, Masséna m'envoyait chercher et je le trouvai dans sa tente devant une grande carte déployée sur la table. Il me regarda en silence de son œil unique et perçant et je sentis que l'affaire était sérieuse. Il était nerveux et mal à l'aise, mais mon attitude sembla le rassurer. Rien ne vous donne de la confiance comme de sentir près de soi des hommes déterminés. « Colonel Étienne Gérard, dit-il, j'ai toujours entendu dire que vous étiez un officier brave et entreprenant. » Ce n'était pas à moi de confirmer cette opinion, et cependant, c'eût été folie que de le nier. Aussi, je fis sonner mon éperon et je saluai. « Vous êtes aussi un excellent cavalier ?» Je le reconnus. « Et le meilleur sabre des 6 brigades de cavalerie légère ?» Masséna était renommé pour la sûreté de ses informations. « Eh bien, continua-t-il, si vous voulez jeter les yeux sur cette carte, vous comprendrez facilement ce que je veux de vous. Voici les lignes de Torres Vedras. Vous remarquerez qu'elles couvrent un vaste espace, et vous vous rendrez compte que les Anglais ne peuvent surveiller tous les points. Une fois les lignes franchies, vous avez devant vous 25 000 de pays non gardés jusqu'à Lisbonne. Or, il est de toute importance pour moi que je sache comment les troupes de Wellington sont distribuées dans tout cet espace, et je désire que vous alliez vous en rendre compte. « Maréchal, répondis-je, un colonel de cavalerie légère ne peut pas s'abaisser à un rôle d'espion. » Il se mit à rire et me frappa sur l'épaule. Vous ne seriez pas hussard si vous n'aviez pas la tête un peu chaude, dit-il. Si vous voulez m'écouter, vous comprendrez que je ne vous ai pas demandé de faire acte d'espion. Que pensez-vous de ce cheval ? Il m'avait amené jusqu'à l'entrée de sa tente, et là, je vis un hussard qui tenait en main une bête admirable. C'était un cheval gris pommelé, pas très grand, 4 pieds et demi peut-être, mais avec cette tête courte et cette cambrure de cou qui décèle un sang arabe. Il avait des épaules et des hanches si musclées, et des jambes si fines, que j'eus un frisson de joie rien qu'à le regarder. Encore aujourd'hui, que 70 hivers ont glacé mon sang, je ne puis voir un beau cheval sans être ému. Aussi penser ce que ce devait être en 1810. « C'est Voltigeur, » dit Masséna, « le cheval le plus vite que nous ayons dans l'armée. Je désire que vous vous mettiez en route ce soir même. Vous contournerez le flanc des lignes, traverserez le pays sur les derrières de l'ennemi et reviendrez par l'autre flanc après avoir noté les dispositions des troupes. Vous porterez votre uniforme, ce qui vous évitera d'être tué comme espion si vous êtes pris. Il est probable que vous passerez à travers les lignes sans être aperçu, car les postes sont très éparpillés. Une fois de l'autre côté, de jour, vous pouvez échapper à toute poursuite avec cette bête. Et si vous avez soin de vous tenir loin des routes, vous avez chance de ne pas être aperçu. Si vous n'êtes pas de retour demain soir, je saurai que vous avez été pris, et je leur offrirai le colonel Pétri en échange. » Ah, mon cœur se gonfla d'orgueil et de joie. Lorsque je sautai en selle et que je mis ce beau cheval au galop pour montrer au maréchal comment je savais le manier, il était magnifique. Nous étions magnifiques tous les deux, car Masséna ne put s'empêcher d'applaudir en frappant des mains. Ce ne fut pas moi, ce fut lui qui dit qu'une belle bête mérite un beau cavalier. Puis, quand pour la troisième fois je repassais comme une flèche devant lui, avec mon plumet ébouriffé et ma pelisse flottant derrière moi, je vis sur sa vieille face sévère qu'il n'avait plus aucun doute sur l'excellence de son choix. Je tirai mon sabre, portai la garde à la hauteur des yeux pour saluer, et je repartis au galop vers mon cantonnement. Déjà la nouvelle s'était répandue que j'avais été choisi pour une mission et mes petits coquins sortirent en foule de leur tente pour me féliciter. Ah, mes vieux os se remplissent de larmes, quand je pense combien ils étaient fiers de leur colonel. Et moi aussi, j'étais fier d'eux. Ils méritaient bien d'avoir à leur tête un tel chef. La nuit s'annonçait noire et pluvieuse, ce qui n'était pas pour me déplaire. Je voulais tenir mon départ secret, car il était évident que si les Anglais venaient à savoir que j'avais été chargé d'une mission, ils auraient conclu naturellement que quelque chose d'important se préparait. Je fis donc conduire mon cheval au-delà de la ligne des piquets, comme pour l'abreuver, et ce fut là que je le montai. J'avais une carte, une boussole et une note contenant les instructions du maréchal. Je fourrai tout cela dans la poche intérieure de ma tunique et je me mis en route. Il tombait une petite pluie fine, et il n'y avait pas la moindre lune, aussi vous vous imaginez facilement que je n'étais pas à une partie de plaisir. Mais je me sentais le cœur léger, en pensant à l'honneur qui m'était fait et à la gloire qui m'attendait. Cet exploit s'ajouterait certainement à la brillante série qui devait changer mon sabre en un bâton. Ah, que de rêves l'on fait quand on est jeune et enivré par le succès! Aurais-je jamais pu prévoir ce soir-là où je galopais, moi choisi entre 60 000 hommes, que je finirais ma vie en plantant des choux avec une pension de 100 francs par mois? Oh, ma jeunesse, mes espérances, mes camarades! Mais la roue tourne et ne s'arrête pas. Excusez-moi, mes amis, un vieillard a ses faiblesses. Je franchis donc les collines de Torres Vedras, puis je traversai une petite rivière, et je passai près d'une ferme qui avait été brûlée. De là, je m'enfonçai dans une forêt de jeunes chênes lièges, et j'arrivai au monastère de San Antonio, qui limitait la gauche des positions anglaises. Là, je tournai au sud, et continuai lentement à travers la plaine. Je ne pouvais aller vite, car il faisait si noir que je ne voyais même pas ma main devant moi. En pareil cas, je rends les rênes, et je laisse à mon cheval le soin de trouver sa route. Voltigeur marchait avec confiance, et je n'avais d'autre soin que de regarder autour de moi afin d'éviter toute lumière que je pourrais apercevoir. Nous continuâmes pendant 3 heures cette marche prudente, jusqu'au moment où je jugeai que j'étais hors de danger. Je pressai alors le pas, car je voulais être sur les derrières de l'armée au point du jour. La plaine était unie et n'offrait aucun obstacle à un cavalier bien monté. Mais Masséna n'avait pas compté sur la ruse de ses Anglais, car ce n'était pas une ligne de défense qu'il y avait, mais bien 3, et c'était la troisième qui était la plus formidable, celle à travers laquelle je passais à ce moment. Comme j'avançais, fier de mon succès, la lueur d'une lanterne brilla soudain devant moi, et je vis l'éclair de plusieurs canons de fusil en même temps que je reconnus un habit rouge. « Qui va là ?» cria une voix. Je fis un brusque écart à mon cheval et me voilà reparti à fond de train vers la droite, mais une douzaine de flammes rouges rayèrent l'obscurité et les balles sifflèrent autour de mes oreilles. Cette musique n'était pas nouvelle pour moi, mes amis, bien que je ne veuille pas faire comme les vantards de jeunes conscrits et prétendre que je l'ai jamais trouvée très agréable. En tout cas, elle ne m'a jamais empêché de garder mes idées bien nettes dans ma tête. Aussi, je me dis que je n'avais rien de mieux à faire que de galoper aussi vivement que je pourrais et aller tenter la chance ailleurs. Je tournais donc la troupe anglaise, et comme je n'entendais plus rien au bout de quelques minutes, je conclus que j'avais enfin traversé entièrement leur ligne. Je continue ma route au sud, pendant 5 milles, battant le briquet de temps en temps pour consulter ma boussole. Et alors, tout d'un coup, je sens mon cœur se serrer, quand ce souvenir me revient à la mémoire. Mon cheval, sans que rien dans son allure l'eût fait prévoir, s'abattit mort sous moi. Une chose dont je ne m'étais douté le moins du monde, c'est qu'une des balles lui avait traversé le corps. La brave bête n'avait même pas accusé le coup et, sans faiblir une seconde, elle avait continué de galoper tant qu'il lui était resté un souffle de vie. Tout à l'heure, j'étais bien en sûreté sur le cheval le plus beau et le plus vif de l'armée de Masséna. Et maintenant, j'étais là, debout, près de cette carcasse qui n'avait plus d'autre valeur que sa peau, inutile, gauche et laide comme peut l'être un hussard sans monture. Que faire avec mes éperons, mes houseaux et mon sabre traînant derrière moi? En plein dans les lignes ennemies, comment pourrais-je jamais rejoindre l'armée? Je vous avoue sans honte que moi, Étienne Gérard, j'eus un moment de désespoir, et m'asseyant sur le cadavre de mon cheval, je me pris la tête à deux mains. Déjà les premières lueurs du jour commençaient à poindre dans l'est. Dans une demi-heure, il ferait jour. Avoir surmonté tous les obstacles et me voir au dernier moment à la merci de mes ennemis, prisonnier sans avoir pu mener à bien la mission qui m'avait été confiée, n'y avait-il pas de quoi briser le cœur d'un soldat? Nous avons tous de ces moments de défaillance, mes amis, même parmi les plus braves, mais je possède une énergie qui est comme un ressort d'acier. Plus on le ploie, plus fort il se détend. Tout n'était pas encore perdu. Je me tirerais de ce mauvais pas comme je m'étais tiré de bien d'autres. Je me relevais donc et je réfléchis à ce que je devais faire. Et d'abord, il était certain que je ne pouvais pas revenir en arrière. Avant que j'eusse franchi la ligne, il serait grand jour. Je devais donc me cacher et tâcher de profiter de la nuit suivante pour opérer mon retour. Je débarrassai le pauvre voltigeur de la bride, de la selle et des fontes et les cachai dans un fourré, de sorte que l'on ne put reconnaître que c'était un cheval français. Puis il l'abandonna là. Je me mis en quête de quelque endroit où je pourrais passer la journée en sûreté. Je pouvais apercevoir tout autour de moi, sur les hauteurs, les feux des bivouacs anglais, près desquels je commençais même à distinguer les silhouettes des sentinelles. Il fallait me cacher au plus vite où j'étais perdu. Mais où me cacher? L'endroit où je me trouvais était une vigne, mais il ne me restait plus que les tuteurs, et je ne pouvais songer à rester là. Et puis j'aurais besoin d'eau et de nourriture avant que la nuit fût venue. Je partis donc à l'aventure, au milieu de l'obscurité qui commençait à se dissiper, m'en remettant à la chance. Et je ne fus pas désappointé. La fortune est femme, mes amis, elle ne saurait voir de mauvais œil un brave hussard. Je m'en allai donc au hasard, quand j'arrivai devant une masse noire, que je reconnus pour une grande maison carrée, à laquelle était à côté un bâtiment long et bas. Trois routes se rejoignaient là, et il était facile de voir que c'était la posada, c'est-à-dire l'auberge. Il n'y avait aucune lumière aux fenêtres, et tout était sombre et silencieux. Mais je me doutais bien qu'une place aussi confortable devait, sans aucun doute, être occupée, et probablement par un personnage d'importance. Toutefois, j'ai appris dans le cours de ma vie aventureuse que l'endroit le plus sûr est souvent celui qui est le plus proche du danger. Aussi, je n'hésitais pas à me fier à cet abri. Le bâtiment bas était évidemment l'écurie et je me glissais à l'intérieur, car la porte était fermée seulement au loquet. C'était plein de bœufs et de moutons, probablement rassemblés là, de peur des maraudeurs. Une échelle conduisait à un grenier. J'y grimpais, et je trouvai un bon coin parmi quelques bottes de paille, en face d'une petite lucarne, d'où je pouvais surveiller le devant de l'auberge et la route. Je m'étendis sur la paille, et j'attendis les événements. Je ne tardai pas à avoir la preuve que je ne m'étais pas trompé. en pensant que cette auberge devait être le quartier général de quelques personnages d'importance. Il n'y avait pas une demi-heure que j'étais là, et il faisait presque jour, quand un dragon anglais arriva avec une dépêche, et quelques minutes plus tard, ce fut un remue-ménage de tous les diables dans la cour qui se remplit d'officiers à cheval, se saluant, riant et s'interpellant. Il y avait surtout un nom que j'entendais répéter constamment, « Sir Stapleton, Sir Stapleton ». Je trouvais un peu dur de rester étendu là, la moustache sèche, pendant que l'aubergiste allait de l'un à l'autre de ses officiers anglais et leur versait force rasade. Mais je m'amusais de voir leur visage vermeil et bien rasé, insouciant, et je me demandais ce qu'ils penseraient s'ils se doutaient qu'ils avaient près d'eux un homme aussi célèbre. Mais je fus bientôt détourné de mes pensées par quelque chose qui me remplit de surprise. C'était une chose incroyable que l'insolence de ces Anglais. Vous n'imagineriez jamais ce que Milord Wellington avait fait quand il s'était vu bloqué par Masséna, sans espoir de bouger de là. Je vous le donne en mille. Vous pourriez me dire qu'il s'était mis dans une colère folle, puis qu'il s'était laissé aller au désespoir, qu'il avait réuni ses troupes pour les haranguer et leur parler de la gloire et de la patrie avant de les entraîner à une dernière bataille. Non, Milord ne fit rien de tout cela, mais il envoya en Angleterre un navire de la flotte pour lui ramener une meute de chiens, et il se mit à faire la chasse aux renards avec ses officiers. C'est la vérité ce que je vous dis là. Derrière les lignes de Torres Vedras, ses origines d'Anglais chassaient à court le renard trois fois par semaine. Nous l'avions entendu dire au camp, mais personne n'y avait cru, et voilà que je devais le voir de mes propres yeux. En effet, je vis dévaler sur la route une bande de 30 à 40 de ces chiens, des blancs, des bruns, des roux, chacun la queue dressée au même angle, comme les baïonnettes de la vieille garde. Ma foi, c'était très joli à voir. Et derrière eux venaient trois cavaliers, en habit rouge et en casquette, que je pris pour les chasseurs. Ils furent bientôt suivis d'officiers en uniforme arrivant par deux, par trois, causant et riant. Ils ne semblaient guère aller qu'au petit trot, et je me dis que le renard qu'ils poursuivaient devait avoir une patte de moins pour ne pas courir plus vite. Mais c'était leur affaire et non la mienne, et ils furent bientôt hors de vue. Je demeurai aux aguets, prêt à profiter de la moindre chance qui pourrait s'offrir. Tout à coup, je vis venir sur la route un officier vêtu d'un uniforme bleu assez semblable à celui de notre artillerie Bolande. C'était un homme d'un certain âge, gros et court, avec des favoris grisonnants. Il s'arrêta devant l'auberge et s'entretint avec un officier d'ordonnance qui s'était avancé à sa rencontre. Je compris tout ce qu'ils dirent, car vous vous rappelez que j'avais appris l'anglais devant Dantzig avec O'Brien, le petit lieutenant de la Légion irlandaise. « Vous êtes en retard, Sir George, » dit l'ordonnance. « Oui, j'ai eu un conseil de guerre. Sir Stapleton est-il parti ?» À ce moment, une fenêtre s'ouvrit et un beau jeune homme, vêtu d'un brillant uniforme, apparut dans l'ouverture. « Oh là, Murray » cria-t-il. « J'étais retenu par ce tas de maudites paperasses, mais je vous rejoins à l'instant. »« Très bien, Stapleton. Je suis déjà en retard. Je pars en avant. »« Dites au palefrenier d'amener mon cheval, » continua le jeune officier en s'adressant à l'ordonnance, pendant que l'autre se remettait en route. L'ordonnance disparut derrière la maison, et quelques minutes après, un palefrenier avec une cocarde à son chapeau arriva, tenant par la bride d'un cheval. « Ah, mes amis, vous êtes incapables de soupçonner jusqu'à quelle perfection peut atteindre un cheval, si vous n'avez pas vu un vrai cheval de chasse anglais. » C'était un animal superbe, grand, large, fort, et cependant aussi gracieux et aussi léger qu'un cerf. Sa robe était noire comme un bloc de charbon. Son cou, ses épaules, ses reins, ses jambes, comment pourrais-je vous décrire tout cela? Il luisait sous le soleil comme de l'ébène polie. Il ne tenait pas en place, dansant et sautant avec de petits mouvements mutins de sa jolie tête et des hennissements d'impatience. Je n'ai jamais vu un tel mélange de vigueur, de beauté et de grâce. Je m'étais souvent demandé comment les hussards anglais avaient pu atteindre les chasseurs de la garde, à l'affaire d'Astorga, mais je ne m'en étonnais plus quand je vis ce cheval anglais. Le palefrenier attacha le cheval à un anneau fixé dans le mur et entra dans la maison. En un clin d'œil, je me rendis compte que je tenais ma chance de m'échapper. Monté sur cette bête qui était là au-dessous de moi, je me trouverais encore plus favorisé que lorsque j'avais quitté le camp. Voltigeur lui-même n'aurait pas soutenu la comparaison avec ce magnifique animal. En un instant, je fus en bas de l'échelle et à la porte de l'écurie. L'instant d'après, j'étais dehors où je tenais la bride en main. D'un bond, je fus sur son dos. quelqu'un, le maître ou le palefrenier, cria à plein poumon derrière moi. Mais je me souciais bien des cris. J'effleurai le cheval de mes éperons et il bondit en avant d'un mouvement si brusque que seul un cavalier de ma force était capable de garder son assiette. Je le laissai faire à sa tête et lui rendis les rênes, car peu importait où il me conduisait, pourvu que ce fût loin de cette auberge, et il eut vite fait de mettre plusieurs bons milles entre moi et ceux qui auraient eu des velléités de me poursuivre. Lorsque je me sentis à l'abri de tout danger, je dirigeai mon cheval sur la crête d'une petite colline et, tirant mon carnet de ma poche, je me mis en devoir de noter la position des camps ennemis et d'esquisser la topographie du pays. C'était vraiment une belle bête que j'avais entre les jambes, mais ce n'était pas chose facile que d'écrire et de dessiner sur son dos, car à chaque instant elle remuait les oreilles, s'ébrouait et dansait d'impatience. Tout d'abord, je ne m'expliquais pas ce qui la faisait tiquer ainsi, mais je remarquai bientôt que cela lui prenait seulement lorsque venaient quelque part au-dessous de nous, dans un bois de chêne, des cris de « yo, yo, yo ». Puis tout d'un coup, ce cri étrange se changea en une immense clameur suivie aussitôt d'une sonnerie de cors. Et alors voilà ce cheval qui devient subitement fou. Il fait un bond en pirouettant sur place, mon crayon vole d'un côté, mon carnet de l'autre, et en portant les yeux devant moi, j'aperçois au fond du vallon un spectacle vraiment extraordinaire. La chasse dévalait de la hauteur en face, les chiens donnant de la voix, le nez à terre, la queue en l'air, et si serrés les uns contre les autres qu'on aurait dit un grand tapis jaune et blanc en mouvement. Et derrière eux venaient les chasseurs, quelques-uns en habits de chasse, mais le plus grand nombre en uniforme. Des dragons bleus, des dragons rouges, des hussards en culottes écarlates, des écossais en petits jupons bariolés, des artilleurs, des lanciers avec leurs pelisses sous-tachées d'or. Mais la couleur qui dominait, c'était le rouge. Le rouge, car les officiers d'infanterie étaient aussi ardents que leurs camarades de la cavalerie. Tout cela galopait à bride abattue, sans distinction de rang, le général à côté du lieutenant, se bousculant, se dépassant, hurlant et cravachant sans autre but que d'atteindre cet absurde renard. Vraiment, ce sont de drôles de gens que ces Anglais. Mais je n'eus guère le temps de me laisser aller à l'étonnement que me causaient les singuliers amusements de ces insulaires, car de toutes ces bêtes affolées, le cheval même sur lequel je me trouvais assis était le plus enragé. C'était lui-même un cheval de chasse, vous comprenez? Et les cris de ses chiens lui faisaient l'effet que me produirait une sonnerie de trompette dans la rue à côté. Impossible de le faire tenir tranquille. Il sautait des quatre pieds, se secouait, virevoltait sur place, quand tout d'un coup, prenant le mot rodent, le voilà qui part ventre à terre après les autres. J'eus beau jurer, tirer sur les rênes, serrer les genoux, tout fut inutile. Son propriétaire ne devait se servir que du bridon, car la bête avait une bouche de fer. Il était aussi inutile de songer à le retenir que d'essayer d'arracher un grenadier à une bouteille de vin. Je ne luttais pas davantage, et assurant mon assiette, je me préparais à tout ce qui pouvait m'arriver de pire. Quelle bête c'était, mes amis! Jamais je n'en ai eu une pareille entre les genoux. Les jambes se détendaient comme des ressorts d'acier et elles filaient comme un lévrier, pendant que le vent me fouettait la face et me sifflait aux oreilles. J'étais en petite tenue, un uniforme de couleur sombre et très simple. Mais vous savez, il y a des hommes qui savent donner de la distinction à n'importe quel uniforme, et j'avais eu la précaution d'enlever le long panache de mon bonnet. Aussi, dans ce mélange de costumes, il n'y avait aucune raison pour que le mien attire l'attention, ou que ces hommes tout entiers à la chasse prissent garde à moi. L'idée qu'un officier français pût être parmi eux était trop absurde pour leur entrer dans la cervelle. Tout en galopant, je ne pouvais m'empêcher de rire, car au milieu même du danger, il y avait quelque chose de comique dans la situation. Les chasseurs étaient très inégalement montés. Aussi, après quelques milles, au lieu de ne former qu'une même troupe compacte, comme un régiment qui charge, ils s'éparpillèrent sur un espace considérable, les meilleurs cavaliers juste derrière les chiens, les autres bien loin en arrière. Or, j'étais aussi bon cavalier qu'aucun d'eux, et mon cheval était certainement le meilleur de tous. Vous devez donc penser que je ne fus pas longtemps avant d'arriver au premier rang. Et quand j'aperçus les chiens lancés à toute vitesse suivis de la foule des chasseurs, c'est alors que moi aussi je devins fou, moi, Étienne Gérard. Cela me prit comme un coup de foudre, cette frénésie du sport, ce désir d'arriver le premier, d'atteindre ce maudit renard. Il nous défierait, ce vil brigand. Ah non, son heure allait bientôt sonner. Ah, mes amis, si vous saviez ce que c'est que cette frénésie du sport, ce désir d'écraser le renard sous les pieds de votre cheval. Oui, j'ai chassé le renard avec les Anglais. je me suis aligné, comme je vous l'ai raconté, je crois, avec le premier boxeur du sud de l'Angleterre, le tombeur de Bristol. Et je puis vous dire que c'est un sport merveilleux, plein d'intérêt et qui vous rend fou. Plus nous approchions, plus mon cheval galopait, et bientôt nous ne fûmes plus que trois cavaliers au premier rang derrière les chiens. J'avais oublié toute crainte de me voir découvert. Mon sang bouillait dans mes veines, ma cervelle bourdonnait. Je n'avais plus qu'une pensée, rattraper cet infernal renard. Je dépassais un des chasseurs, hussard comme moi. Je n'en avais plus que deux maintenant devant moi. L'un en uniforme noir, l'autre en uniforme bleu que j'avais vu à l'auberge. Ses favoris gris s'ébouriffaient au vent, mais ils montaient d'une façon magnifique. Nous continuâmes dans cet ordre pendant 1 mille environ, puis comme nous remontions ventre à terre une côte assez rapide, je dépassai le second, grâce à mon poids plus léger, et en haut de la côte, je me trouvais galopant genou contre genou à côté de l'artilleur. Devant nous étaient les chiens, et puis, à 100 pas devant eux, détalait un paquet de poils roux, le renard lui-même. À cette vue, mon sang s'enflamme. « Ah, brigand, nous te tenons » criai-je, et faisant de la main un signe au chasseur pour l'encourager et lui montrer qu'il y avait là quelqu'un sur qui il pouvait compter, je piquai de l'avant. Et maintenant, il n'y avait plus que les chiens entre moi et ma proie. Ces chiens, dont c'est le rôle de disputer le gibier, étaient maintenant pour nous un embarras bien plus qu'une aide, car comment les dépasser? Le chasseur sentit la difficulté aussi bien que moi, car il restait derrière les chiens sans chercher à passer devant. C'était un bon cavalier, mais il manquait d'initiative. Pour moi, je me dis que pareille difficulté ne pouvait faire hésiter un hussard de Conflans. Étienne Gérard se laissait arrêter par une bande de chiens. « Allons donc, c'eût été ridicule !» Je poussai un cri et prenais mon cheval. « Hold hard, sir, hold hard !» cria le chasseur. Cela veut dire « Arrêtez, monsieur, arrêtez !» Il avait peur pour moi, ce brave homme, c'était évident. Mais je le rassurai d'un sourire et d'un geste de la main. Les chiens m'ouvrirent un passage. J'en baissai peut-être un ou deux. « Mais que voulez-vous? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Je pus entendre le chasseur me crier ses félicitations derrière moi. Encore un effort, et je serai devant les chiens avec le renard seul devant moi. Ah, vous dire la joie et l'orgueil de cet instant. Savoir que j'avais battu les Anglais à leur propre sport. Ils étaient là, 300 acharnés à la poursuite de cet animal, et c'était moi qui allais le prendre. Je pensais à mes camarades, à ma mère, à l'empereur, à la France. L'honneur de mon exploit rejaillirait sur chacun et sur tous. Chaque seconde me rapprochait du renard. Le moment était venu d'agir, je tirai mon sabre, je l'agitai en l'air, et tous ces braves Anglais de crier derrière moi. C'est alors seulement que je me rendis compte combien cette chasse au renard est difficile, car on peut sabrer, sabrer, et ne pas atteindre une seule fois l'animal. Il offre peu de surface et se déplace avec agilité. À chaque coup que je lui portais, j'entendais derrière moi ces cris d'encouragement qui ne faisaient que m'exciter davantage. Enfin arriva le moment suprême de mon triomphe. Juste au moment où il tournait brusquement, je l'atteignis de ce coup de revers par lequel j'avais tué l'aide-de-camp de l'empereur de Russie. Il vola en deux morceaux, la tête d'un côté, la queue de l'autre. Je me retournai sur ma selle en brandissant mon sabre couvert de sang. J'étais superbe en ce moment-là. Ah, comme j'aurais été heureux de pouvoir attendre les félicitations de ces généreux ennemis. Ils étaient une cinquantaine en vue, tous criant et levant les bras en l'air. Ils ne sont pas aussi flegmatiques qu'on le dit vraiment, ces Anglais. Une belle action de guerre ou de sport les dégèle et leur réchauffe le sang. Quant au vieux chasseur, c'était lui qui était le plus près de moi. Et je pus voir de mes propres yeux combien il était abasourdi par ce que j'avais fait. Il me fit l'effet d'être paralysé, avec ses bras levés au ciel et sa bouche grande ouverte. Un instant, j'eus envie de revenir en arrière et de l'embrasser. Mais juste à ce moment, une sonnerie française me rappela au sentiment du devoir et à la prudence, car ces Anglais m'auraient certainement fait prisonnier, malgré la fraternité qui existe entre sportsmen. En levant les yeux à cet appel de trompette, j'aperçus à peu de distance devant moi les lignes du camp de Masséna, car par une chance extraordinaire, la chasse nous avait conduits dans cette direction. Ma foi, je ne pouvais plus espérer continuer ma mission et j'avais fait tout ce que j'avais pu. Je saluai donc du sabre mes compagnons de chasse et je repartis au galop. Mais ils ne me lâchèrent pas si facilement, ces braves chasseurs. C'était moi qui étais le renard à présent. En m'en voyant prendre la direction de notre camp, ils s'aperçurent évidemment alors que j'étais français. Et toute la bande fut à l'instant sur mes talons. Ils ne firent halte que lorsqu'ils furent à moins d'une portée de fusil de nos premiers postes Et encore, eurent-ils beaucoup de peine à tourner bride, s'assemblant par petits groupes pour gesticuler et crier après moi. Non, je ne crois pas qu'ils eussent des intentions hostiles. Je me figure plutôt qu'ils n'avaient pour moi que des sentiments d'admiration, et que leur seul désir était d'embrasser l'étranger, qui s'était comporté avec tant de bravoure et d'habileté. Ainsi s'achève Le crime du colonel par Arthur Conan Doyle.